Les parcs relais permettent aux automobilistes d'accéder facilement au réseau de transport en commun? Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter la saturation des centres-villes? Oui, réponse C. Non, réponse D.